cette soirée de pleine lune. C'est de pleine lune? C'est un peu d'eau de Pâques. Oui, c'est de l'eau bénite qui ne tarit pas. Hein? Ce soir, le sujet de la discussion, c'est quoi, Daniel? Je suis au courant. Eh bien oui, je ne sais pas, j'ai rencontré une personne, puis je lui ai dit, écoute, ça te tente-tu de m'interviewer? Ah, elle a dit non. Ma première rencontre avec moi-même. Ouais, c'est pourquoi on t'a suggéré des questions déjà au départ. Ok, j'ai compris. Je suis un petit peu aiguillé, là. Et voilà, maintenant il est désaiguillé. Ces questions-là, ils sont prévues pour être posées une demi-heure après le début de la conférence. Ok. Dans ce cas-là, je vais te poser une question pour nous réchauffer. La rencontre avec toi-même, ton toi-même présent ou à ta jeunesse, ce que je veux dire, c'est que est-ce que ta personnalité a changé ou est-ce que ta personne a changé au cours de ton cheminement? À partir de ta naissance jusqu'à maintenant, on parle toujours de la même personne ou on parle à un moment donné où il y a une réincarnation à un moment donné qui a changé ta personnalité ou il a changé ta personne? Bon, effectivement, quand on parle de se retrouver soi-même ou de se rencontrer soi-même, c'est qu'au départ, tu viens au monde, tu es quelque chose de particulier, et au fur et à mesure de ton éducation, on finit par cacher ce que tu es. On finit par aiguiller, en un mot que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. On t'aiguille lentement vers ce que les parents veulent que tu deviennes, vers ce que la société veut que tu sois. Et finalement, tu vas à l'école, les professeurs vont essayer de t'imprégner un peu de leur philosophie. Il y a les sciences religieuses aussi, la morale qui va lentement continuer à camoufler ce que tu es dans ton essence. Et progressivement, d'un être naturel, tu as tendance à te laisser former pour devenir un être normal. Moi, j'ai toujours été anormalement naturel, ce qui fait que j'ai eu des problèmes. Enfin, moi, j'ai pas eu trop de problèmes. C'est plus l'extérieur. Ouais. Mes parents ont eu de gros problèmes, mes professeurs aussi d'ailleurs, les directeurs des écoles. Et ils ont tous eu de sérieux problèmes avec moi. Et à un moment donné, on finit, veut pas quand même, par être quelqu'un qui ne ressemble plus du tout à ce que tu aurais dû être si tu serais né en plein milieu d'un désert. C'est sûr que tu n'aurais pas vécu longtemps, là, mais on parle d'un désert au niveau éducatif. Alors, à un moment donné, adolescent, je n'ai pas vécu de crise d'adolescence. J'avais déjà fait ça il y a quelques milliers d'années, ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de recommencer. Et puis, je savais que ça ne venait pas grand-chose. Alors, j'ai été similairement le même enfant ou le même personnage de la naissance jusqu'à l'âge adulte, avec subtilement une coloration qui prenait de plus en plus de l'ampleur. Alors, à un moment donné, on finit par se trouver un emploi, on finit par vivre... sans vouloir nécessairement ressembler à tout le monde, quoique la majorité des personnes, à un moment donné, veulent ressembler à un schéma. Je n'ai jamais eu d'idole. J'ai déjà eu une idole, oui, plutôt. Quelques-uns, mais c'était des idoles qui venaient toujours du passé, ce qui fait que c'est difficile de vouloir porter encore une armure, par exemple, des choses comme ça. J'avais déjà eu une armure psychologique, là, mais une armure de métal. Et progressivement, à travers le temps, on finit par être quelqu'un qui essaie à tout prix... presque 24 heures sur 24, d'exprimer ce qu'il est. Et ça, c'est ce que la majorité des personnes qui vivent une conscientisation, disons une évolution au départ, vont finir par découvrir. On essaie souvent d'exprimer ce qu'on est. Alors, à un moment donné, j'ai découvert par morceaux que ça ne servait à rien de vouloir exprimer ce qu'on était, parce que quand on veut exprimer ce qu'on est, on exprime toujours ce qu'on n'est pas. Il fallait simplement être ce qu'on était, et ne pas essayer de l'exprimer. Ça s'exprime seul. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant dans la découverte, à un moment donné, c'est que quand l'humain veut exprimer ce qu'il est, c'est que l'humain veut passer son temps à prouver à autrui qu'il est ce qu'il veut exprimer. Alors que si on est ce qu'on est, ça n'a même pas besoin d'être exprimé. Parce que ce n'est même pas nécessaire qu'un autre le sache. Alors, ça remettait, lorsque je me suis rencontré, ça leur a mis en question énormément de ce besoin d'exprimer ce qu'on est. Donc, une personne, par exemple, va vouloir exprimer qu'il est capable d'aimer. Une personne va vouloir exprimer à quelqu'un qu'il l'aime. Une personne va vouloir exprimer à quelqu'un qu'il est capable de réussir, à l'école ou en affaires. Un enfant va vouloir exprimer à ses parents qu'il est un bon enfant, qu'il les aime. Les parents font la même chose. On va s'acheter des cadeaux. Par exemple, à Pâques, il y en a qui vont s'acheter du chocolat. Pour exprimer, par exemple, à leurs enfants qu'on les aime, on va leur acheter du chocolat qui tue la santé. Bon. Et chaque fois qu'on veut exprimer ce qu'on est, trop souvent, ce qu'on exprime, finalement, c'est ce qu'on n'est pas. Et parce que, à la longue, on finit par avoir une espèce d'accord, qui est probablement inconscient dans la majorité des cas, entre nous en société, si tu m'offres un cadeau qui me tue, je vais quand même reconnaître que tu es gentil, parce que finalement, on finit par s'ajuster dans une illusion, où on va accepter le fait que c'est l'intention qui compte, et non plus la gestuelle. Mais on devrait vivre d'intention, c'est-à-dire qu'on devrait laisser simplement les intentions fondamentales qui nous habitent à être chez nous, s'exprimer chez soi, et non, on ne devrait pas s'arranger pour que les gens pensent que ça s'exprime chez nous, en faisant en sorte de l'exprimer à l'extérieur pour les convaincre. Alors finalement, la majorité des structures sociales sont basées sur une chose, c'est qu'on doit exprimer. Alors je dois exprimer, par exemple, mes émotions, sinon je vais en souffrir. Je dois exprimer ma colère, sinon je vais la refouler et ça va me nuire. Je dois exprimer mon amour, je dois exprimer mes peurs, je dois exprimer que je suis capable de réussir, je dois exprimer que je suis riche, je dois exprimer que je suis grand, que je suis pas trop gros, que je suis pas trop maigre, que je n'ai pas trop de boutons. Je dois exprimer que je suis jeune de cœur, alors que je suis, disons, 75 ans. Je dois exprimer que je suis pas trop pauvre. Je dois exprimer que je suis en forme. Et je dois exprimer plein de choses. Et chaque être humain qui est occupé à devoir exprimer plein de choses ne se connaît pas, ne s'est pas rencontré. De ce fait, il continue à jouer le jeu de celui qui a alors qu'il n'a pas. Donc, du point de vue de l'évolution, il vit au-dessus de ses moyens. Lorsqu'une personne n'a pas d'énergie, elle n'a pas à exprimer qu'elle a de l'énergie. Lorsqu'une personne, par exemple, perd son emploi, elle n'a pas à essayer d'exprimer que ça ne la dérange pas. Si ça la dérange, ça la dérange. Pas nécessaire qu'elle l'exprime non plus, ça se vit à l'intérieur. Si ça la dérange pas, ça ne la dérange pas. Mais bien souvent, la personne qui était stable, qui était convenable, qui était correcte, à un moment donné, elle perd son emploi, c'est un exemple, et subitement, elle devient un coq. Elle a quelque chose à prouver. C'est-à-dire qu'elle veut exprimer et elle est tellement incertaine avec elle-même qu'elle est plus convaincue qu'autrui est capable de la reconnaître. Alors, elle voudrait exprimer plus puissamment quelque chose. On n'a vraiment pas à exprimer ce qu'on est. Et quand on se rend compte soi-même, on découvre effectivement qu'on n'a pas besoin d'exprimer ce qu'on est. Ce n'est pas nécessaire du tout, du tout, du tout, du tout. Ça fait partie de l'illusion, ça fait partie du mensonge cosmique. Et c'est ce qui va faire en sorte que bien souvent, on va reconnaître chez quelqu'un une humilité fracassante. C'est qu'on se rend compte qu'il est naturel. Et on va dire, tiens, il est pur. Si on regarde un bébé, souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder un bébé ou un enfant relativement jeune, et ils vont le trouver beau, quelle que soit sa physionomie. Quel que soit le corps, les personnes vont le trouver beau. Qu'est-ce qu'ils trouvent beau? Il trouve beau que subitement, il découvre que cet enfant-là n'exprime rien. Et, nécessairement, il exprime la pureté. Il est lui. Sans se demander, sans exprimer, sans lutter, sans rien faire. Alors qu'on l'habille de n'importe quelle façon, qu'on lui mette n'importe quel genre de couche, fiez-vous pas aux commerciaux sur les couches. Les bébés s'en balancent des couches que vous leur mettez. Alors, ils sont pas meilleurs au baseball, ils sont pas meilleurs dans rien, ils gagnent pas plus de courses. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la façon dont on les habille, le bébé s'en balance. Il reste lui. Alors que si on habille un individu rendu à un certain âge de façon particulière, il a l'impression que l'on l'agresse. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'exprimer une image. Alors si on vient changer l'image, il est convaincu qu'il ne s'exprime plus lui. En réalité, il est convaincu qu'on n'est plus capable de voir qui il est. Et c'est tellement important pour l'humain. Disons, de l'âge de l'enfant, de l'âge de 5 ans, souvent, s'il était flon, disons 3 ans, 4 ans, en montant, ça devient tellement important que les autres sachent qui on est, parce que sinon, on a l'impression qu'on n'est plus rien. Alors, il est effectivement temps que lui-même, à un moment donné, finisse par se rencontrer. faire sa rencontre avec lui-même. Mm-hmm. Moi, quand j'ai fait ça, je pensais m'avoir trouvé avant. Justement, c'est-tu ta mère qui t'a donné une claque dans le dos et a dit « Daniel, fais un homme de toi. » Ma mère aussi m'a toujours dit que je n'étais pas un vrai homme. Comme ma femme, d'ailleurs. Elle ne m'a jamais donné de claque, non. Pas une claque dans le dos, là, amicale. Là, oh, oui, oui, mais non. Toi, mais, non, ma mère, elle, quand elle a pu commencer à me donner des claques amicales, je n'étais plus là. Mais justement, c'est ouais, parce qu'il fallait qu'elle exprime que c'était une bonne mère. Et que quand je n'étais plus là, ben là, maintenant, elle pouvait exprimer qu'elle était peut-être mon amie. Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus amis. Mais à l'époque, la claque amicale était toujours une claque amère. C'est plus tu aimes, plus tu châties. Qui aime bien, châtie bien. Moi, j'avais compris de ça. Qui aime bien, châtie justement. C'est bien. Dans le sens beauté, bien. Et tout le monde employait ça en voulant dire bien dans le sens beaucoup. Qui aime bien, châtie bien. Tu sais, châtie beaucoup. Ma mère m'aimait bien. Je me suis rencontré moi-même plusieurs fois. La première fois, je m'étais refusé et j'étais parti en criant, j'avais peur. Parce que je me suis dit, comment vais-je exprimer ça? Imaginez qu'à un moment donné, vous vous rencontrez avec vous-même et ce que vous rencontrez est formidablement génial. C'est beau, c'est puissant. Disons, c'est divin. Mais j'étais jeune, alors quand j'ai découvert certaines choses, je me suis dit, je réussirai jamais. Et ça, c'est niaiseux. Parce que c'est ça que je suis. Alors, je vais pouvoir réussir. Et là, tu te dis, comment je vais pouvoir exprimer ça? Comment je vais supporter ce que je suis? Ça, c'est de continuer à jouer avec l'illusion. Mm-hmm. Comment vais-je être capable de sculpter un masque qui a la beauté de ce que je suis? C'est ça qui est la question, finalement. Alors, je me dis, je ne pourrai jamais. Je vais passer ma vie à travailler ce masque-là, puis il ne sera jamais à la hauteur de la situation. Alors, j'aime autant refuser cette vision-là, m'en trouver une plus normale, plus abîmée, puis là, me dire, bon, ça, au moins ça, je peux parvenir à l'exprimer. Et c'est ce qui arrive souvent avec l'humain qui se conscientise. L'humain qui se conscientise finit par découvrir subitement sa laideur. Mais il faut faire attention. Quand on se trouve laid, c'est parce qu'on vient de découvrir sa beauté. Et là, on se dit, je pourrais jamais. Je suis bien trop laid. Je suis bien trop ceci. Je suis bien trop colérique, je suis bien trop jaloux, je suis bien trop impatient, impatiente. Je suis bien trop vieux, je suis bien trop vieille, je suis bien trop laid, je suis bien trop laide. Non, on vient de découvrir ce qu'on était, mais on le refuse totalement parce qu'on a l'impression qu'on devra simuler ce qu'on est, qu'on devra faire semblant d'être ce que l'on est, qu'on devra faire comme les personnes qui se mettent du truc sur la tête parce que ça fait plus naturel. T'en mets pas, toi? Non. Je n'ai pas besoin. Moi, j'ai réglé ça. Alors, c'est ce que l'humain veut faire. L'humain ne veut pas être naturel. L'humain veut être plus naturel. Il ne peut pas être plus naturel que naturel. Une tortue dans la boue, là, c'est naturel. Bon, on ne peut pas la mettre plus naturelle que naturelle. Ah, on peut faire des bouts synthétiques, la mettre dedans. Là, elle est comme naturelle. On peut la mettre aussi dans ce qu'elle était au départ. L'homme, la femme, l'enfant travaillent énormément et perdent énormément d'énergie. Et surtout qu'il refuse très souvent ce qu'il est, uniquement parce qu'il ne voit pas comment il va être capable d'arriver à exprimer ce qu'il vient de voir de lui. La première fois que je me suis rencontré, j'étais dans la jungle, j'étais dans le Pétain, j'étais sur le bord d'une lagune qui avait de grandes vagues, alors que c'était une période plate. J'avais 18 ans, ou 19. Avec l'accord de moment, tu étais là-bas? Non, d'ailleurs, on m'avait même promis, tu sais, il y a plusieurs personnes m'avaient promis une caisse de champagne dans l'avion si je partais. Tout le monde était sûr que je partais pas. Mm-hmm. Alors, je suis parti, puis j'ai jamais vu de caisse de champagne. Vous voyez comment c'est? Bon. Ouais. Alors, d'ailleurs, je n'aurais pas bu, remarque bien. T'aurais pu prendre un bain, au moins c'est un bon champagne. Ouais, m'offrir quelque chose du genre. Pourquoi pas? Ouais, non, des jumelles, ou pour pouvoir mieux voir amis, les dangers. Des amis, tu sais. Non, ils sont même pas venus me reconduire. Et puis, ils sont venus me chercher, mais moi, j'arrive toujours 2 jours avant. Alors, je suis arrivé. Quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'étais là, elle est arrivée, puis elle m'a engueulé un peu, parce qu'elle aurait voulu arriver avec des amis. Puis tout ça. Vous voyez comment c'est compliqué? Et la dernière fois, j'étais au Pérou, d'ailleurs. Je devais revenir le 4 de décembre. Je suis revenu le 1er décembre, et puis la même chose. Tu arrives à l'aéroport, toi, ta gang, puis là, ben là, chacun appelle sa famille. On vient de gâcher la fête. L'humain veut tellement exprimer. Les parents ou mes amis devaient venir me chercher quand j'arrive. Non, il fallait que j'arrive quand il venait me chercher, puisque c'était mieux, tu sais, il avait pu préparer pour pouvoir me montrer qu'il était content que j'arrive. Là, il était en beau maudit, parce qu'il n'avait pas pu me montrer, ce qui fait qu'il m'a montré qu'il était en beau maudit. Pour avoir la chance de prendre une journée de congé et chercher Daniel et ses amis. C'était quelque chose de grand. C'est ça. Alors, c'est toujours une chose comme ça qui est importante. Ma mère, elle me dit toujours, qu'est-ce que tu veux que je te ramène, je m'en vais faire un voyage. Je dis, rien. Ah, OK. Qu'est-ce que tu aimerais le plus? Puis là, il faut que je dise rien. Puis, oui, mais peut-être un autre chandail. Je me mets dans la boîte avec les autres. C'est compliqué. J'étais dans la jungle et puis je n'avais jamais connu la peur. Mais la question fondamentale qu'on doit se poser, est-ce que j'avais toujours exprimé que je ne connaissais pas la peur ou si je n'avais jamais connu la peur? Mm-hmm. Et l'être humain est un être qui est pluriconstitué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une tête. Hein? On a un cœur, on a de la vie et on a un physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un intellect ou on a un mental. Si l'intellect est plus avancé, on a un mental. Un mental, ça ne connaît pas la peur. L'intellect ne connaît pas la peur non plus, mais il peut s'illusionner qu'il la connaît, peur intellectuelle. Mais le mental ne connaît pas la peur. L'ego connaît la peur, la psychologie, l'astral, ça connaît la peur. Le corps vital, ça peut connaître la peur, le corps physique aussi. La peur physique, c'est de la douleur. La peur vitale, c'est un stress particulier qu'on sent picoter un peu. Un environnement. Ouais, on parlait par exemple un soir à minuit, on parlait de fantômes ou de certaines choses, et que quelqu'un sent vibration le traverser, c'est une peur vitale. La peur astrale, on la connaît probablement tous, l'inquiétude, la jalousie, l'angoisse, l'ennui, plus la peur tout court de certaines choses. Et le mental ne connaît pas la peur. Moi, depuis que je suis jeune, je vis au niveau du plan mental surtout, et au niveau du plan supramental à partir d'un certain âge. Ce qui fait que moi, au niveau de ce que je suis dans le plan mental ou supramental, je ne connais pas la peur. Je suis dans la jungle, il pleut à la renverse, et puis dans une période de sécheresse, donc il n'est pas supposé pleuvoir, il y a des grandes vagues sur les lagunes, il fait noir, c'est la nuit. Alors on est obligé de camper. Et pendant la nuit, on s'est fait réveiller par un animal qui me donnait l'impression d'être un Tyrannosaurus rex, donc un animal préhistorique. Alors, j'ai été voir un bonhomme qu'on avait rencontré, qui était un zoologiste, qui dormait à côté, et puis on n'a pas réussi à le réveiller. Mais j'ai su le lendemain qu'il ne dormait pas, qu'il était simplement paralysé. Et puis, moi, j'ai abordé sa tente énormément comme ça, en voulant le réveiller. C'était sûrement pour l'aider, ça. Exactement, il devait être en dedans paralysé, puis celui de la tente, mais promis d'un bord puis de l'autre. Il devait être très, très heureux, le bonhomme. Mais je n'avais pas pensé qu'il avait peur. Moi, je voulais savoir c'était quoi. Et puis, là, j'ai marché jusqu'à la pirogue où notre guide dormait, et puis je suis arrivé à la pirogue en courant. Donc, j'ai découvert que mon corps avait peur, que lui avait reconnu un danger majeur, criait dans la jungle, c'était un carnassier. Donc, c'était un carnivore, ça pouvait tuer. C'était plein de bébites qui passaient à côté de nous, qui gonnaient les lagunes. Puis, il y avait encore des grosses vagues sur les lagunes, donc on ne pouvait pas y aller. Et puis, quand j'ai réussi à réveiller le guide, le guide était réveillé, mais il dormait les couvertes par-dessus la tête. Alors, il m'a dit que c'était les lamentations du jour qui se levait. Je suis revenu à ma tente, j'ai donc rassuré mon partenaire dans ma tente. Et puis, le lendemain, on finit par s'endormir, le lendemain, c'est le zoologiste qui nous a réveillés. Et puis, là, il nous a demandé si on avait entendu, tu sais. Oui, on avait entendu. Puis lui aussi, il pensait que ça pouvait être des dinosaures, parce qu'en Afrique, il y avait des indigènes qui ramenaient souvent des dessins de brontosaures ou de brachiosaures. Et dans la jungle, peut-être, où on était, il y a trois paliers d'arbres, ça va jusqu'à près de 250 pieds de hauteur, donc ça cache tout. Mais là, j'ai découvert que mon corps physique avait peur, parce que moi, je marchais, je me suis dit, bon, je marchais lentement, dans la région où on était. Tous les arbres ont des épines, les troncs, les feuilles, les branches, alors ce qui fait que quelqu'un qui court là-dedans en fou, quand il revient, il y a un monstre qui l'a attaqué, c'est évident. Mais c'est un monstre végétal. Alors je marchais donc lentement, j'ai pas voulu aller allumer ma lampe électrique parce que je voulais pas lui dire que j'étais ici. C'est bon. Et quand je suis arrivé à la pirogue, j'ai demandé au guide, est-ce que c'est un animal? Et là, j'ai commencé à découvrir que ça ne peut pas être une pelle mécanique, hein? On est en plein milieu d'une forêt vierge, donc c'est évident que c'est un animal, donc c'est une question qui est stupide. Une question qui est très montréalaise, en tout cas. Progressivement, à travers la jungle, donc, j'ai découvert qu'effectivement, des parties de moi-même connaissaient la peur, et ces parties-là ne l'exprimaient probablement pas. Mais je suis passé par-dessus ça. À un autre moment donné, suis en train de conduire, non, je ne conduis pas encore, je suis dans les Andes, au Pérou, et puis avec un chauffeur de taxi, on est quatre dans l'automobile. Tout appelle ça automobile encore. Et alors, on fait attention à ne pas mettre nos pieds dans la rue. Alors, on fait attention aux trous comme ça. Puis quand lui, il essaie d'éviter les flaques d'eau, parce que sans ça, les passagers sont mouillés. Ça sert de crachoir, de toute façon. Oh, ben, oui, effectivement. Ça a cet intérêt-là, effectivement. C'est intéressant. Ou d'autres choses. Mm-hmm. Tu sais, quand t'es bien mal pris. Ben, absolument. Et puis, à un moment donné, le chauffeur de taxi, il arrête, il tient le volant, il sort en courant, puis il tient la valise en arrière. Et puis, après ça, il remonte dans le taxi. Puis, on continue à monter dans les Andes. Puis, 30. Secondes après, il arrête encore, il descend en courant, il tient encore la valise, puis il revient, puis il continue. Alors, je me suis dit, moi, comme ça, tu sais, à tout bout de champ, à finir la valise, on n'arrivera pas. Et alors, je descends à l'extérieur de l'automobile, puis là, je vais voir le gars qui tient sa valise, puis je lui dis, vous avez un problème cardiaque? Il me dit, non, puis comme ça, en se tenant ça, puis il tient après la valise, et puis il tient son cœur, il a besoin de respirer, parce que dans les Andes, on approche du 20 000 pieds, il reste plus beaucoup d'oxygène. Puis là, il a respiré beaucoup, là, lui, là, nous autres, on commençait à en manquer. Alors, finalement, il a fallu que je conduise son taxi. Alors, c'est intéressant parce que là, on découvre plein de choses. Ça me prend du temps avant d'aller lui dire qu'il y a un problème cardiaque. Premièrement, je le savais déjà au départ qu'il ne monterait pas en haut. Je savais déjà au départ qu'on n'arriverait pas comme on voulait. Bref, je savais plein de choses. Et ça, c'est un problème aussi qu'on a souvent, nous, les humains. On appelle ça la fausse humilité. La nuit. Je sais plein de choses et je ne veux pas me servir de ce que je sais de peur de traumatiser le chauffeur de taxi. Alors que finalement, je suis prêt à le laisser mourir pour ne pas le traumatiser. À un moment donné, je me dis, écoute, il va claquer. Et là, je me dis, les trois personnes qui sont avec moi, qui me connaissent bien, qui savent très bien ce que je suis, mais là encore, j'aurais peur de faire des choses pour ne pas les traumatiser eux autres. Mais qui on ne veut pas traumatiser? L'extérieur ou quelque chose chez nous? C'est toujours quelque chose chez nous. Je suis dans le métro de Montréal, à un moment donné, je vois une personne dans l'autre wagon qui subitement commence à se tenir. Je vois là, je la vois transpirer, mais elle ne transpire pas encore. Subitement, elle commence à transpirer. Alors là, des douleurs rétrosternales, t'as diaphorèse, elle commence à être blanche. Cette personne-là est en train de faire peut-être un infarctus du myocarde. Une facture numéro 4, disent les personnes qui ne connaissent pas la médecine. Bon. Alors, tu es en train de faire une facture numéro 4. Coûte cher, celui-là. Hein? Ça, absolument, sont, oui. Ben, ça se paye pas. Et puis, à un moment donné, on la voit chanceler, même si elle est assise. Et là, je me rends compte que tout le wagon dans lequel elle est transpire aussi. Mais eux, ils ne font pas une facture numéro 4, eux. Mm. Facture numéro 1, eux autres. Ils ont tous peur, ils espèrent tous que la personne ne mourra pas devant eux autres. Alors, il y a des personnes, je me rends compte, qui veulent se lever, mais ils sont boulonnés après leur banc. Alors, j'ai ouvert une porte, il y a deux portes communiquées, n'est-ce pas? J'ai traversé l'autre côté, et puis quand je suis arrivé de l'autre côté, eh bien, la personne a commencé à reprendre un peu, c'est bon, ça va. Mais c'est tout ça qui est l'idée. Pourquoi une personne ne se lève pas? La première raison, oui, mais je ne sais pas quoi faire. Savez-vous combien de fois dans notre vie on manque tout parce qu'on ne sait pas quoi faire, apparemment? Ou on ne sait pas quoi dire? Quand on est pris sur le fait, dans le feu de l'action, on sait toujours quoi dire et on sait toujours quoi faire. Sauf si on est vraiment, vraiment mal pris que nous-mêmes, puis on décide qu'on ne veut pas savoir quoi faire. Il y a des personnes qui, en cas d'incendie, font des miracles. Trouvent les portes, trouvent tout, vont chercher quelqu'un, sortent plus ou moins brûlés. Ils sont capables. Ils ne souffrent pas pendant l'action. Ils sont capables. Mais s'ils passent sur la rue et ils voient un incendie, la majorité, ils ne seront pas capables de rien faire. Ils ne seront pas attachés émotivement ou il y a quelque chose qui chez eux, va leur interdire. Alors, je finis par conduire l'automobile. Alors, imaginez que vous devez trouver les deux fils pour démarrer. Hein, parce qu'il n'y a pas de la clé, mais plus de clé fait longtemps là-dedans. Bon, vous touchez. Ça démarre, là, vous lâchez ça. Et puis après ça, c'est une colonne, là, première, deuxième, troisième, quatrième, là, je ne sais pas si c'est une quatrième, en tout cas. Puis le gars qui est en train de mourir, il ne veut pas que je conduise son automobile, il a peur que je casse son automobile. Alors, il faut redescendre, et on redescend assez bas, jusqu'à temps qu'il revienne à lui comme il faut, puis là, on prend un autre, puis on s'en va comme ça. Là, je découvre que je suis capable de faire plein de choses, puis que je m'interdis quotidiennement de faire ces choses-là. C'est toujours la même chose. Imaginez que vous seriez capable, à un moment donné, d'aller voir quelqu'un qui vient d'être électrocuté. Dans son électrocution, il y a eu un arrêt cardio-respiratoire, donc il est en code, il est théoriquement mort pour le commun des mortels, puis en code pour ceux qui travaillent au niveau médical d'urgence. Et tout ce que vous auriez à faire, ce serait d'aller le voir et de crier à côté de lui. Vous approchez, à terre, vous mettez un genou côté de sa tête, là vous lâchez un gros cri. Là, vous ne crierez pas ici, là. Un gros cri. On appelle ça un qui aille. C'est qui aille donc mourir ailleurs. C'est ça que ça veut dire, finalement. Un qui aille, c'est ce que c'est? C'est un cri. C'est un cri puissant. C'est un cri qui ne doit pas être qui ne doit pas sortir du gosier de quelqu'un qui est extrêmement nerveux, parce que la personne ne sera pas capable de crier convenablement. Et qu'est-ce que ça fait d'aller crier? Ça fait que les oreilles vont ressentir le cri, évidemment, hein, parce que la personne, qu'elle soit morte ou pas, le tympan, il continue à tympaner. Alors, le tympan fonctionne, mais tellement puissamment que ça va créer une décharge électrique trop forte au niveau du cerveau, et c'est mineur. Et jusqu'à date, dans la majorité des cas, un cri extrêmement puissant comme ça peut faire en sorte que le cerveau va déclencher une décharge électrique au niveau du cœur, tellement puissante que ça équivaut à une défibrillation. Donc, au lieu d'attendre qu'un technicien médical arrive avec un défibrillateur, on appelle ça des électrochocs, hein? Bon, mais c'est un défibrillateur, on fait ça. Et on a une chance, on aurait en réalité 9 chances sur 10 de réanimer la personne au 3 ou 4e cri. De le mettre au courant qu'il est mort. Ouais. Il va se réveiller, puis là on va dire qu'il est mort, mais il faut faire attention. Parce que je connais quelqu'un, je connais pas, mais j'ai entendu parler de quelqu'un qui est mort parce qu'on venait de l'avertir, qui est en tout cas bon. Que dans un pays où on ne les embaume pas, ben la personne s'est réveillée pendant la cérémonie. Puis là, on l'a averti qu'elle était morte d'une crise de cœur, puis là, on s'apprêtait à l'enterrer. Elle est morte d'une crise de cœur. Bon. Alors, faut faire attention parce que... Pour être sûr dans les assurances, c'est mieux de procéder comme ça. C'est ça. Alors, maintenant, vous le savez, vous êtes capable de crier. L'électrocution, la personne n'a pas de problème cardiaque. Là, il y a vraiment toutes les chances de la réanimer. Mm-hmm. Comprenez? Ou une personne qui s'est noyée. Si elle n'a pas d'eau dans les poumons, disons que c'est une noyade blanche. Elle est morte simplement par choc. Bon, mais elle n'a pas d'eau dans les poumons. Elle n'a pas de problème cardio-respiratoire. Donc, cardiaque est correct. Alors, on peut la réanimer facilement. Vous savez ça. On va toucher la corde sensible de la majorité des humains. On va dire que c'est un enfant de 8-9 ans qui se noie ou qui est électrocuté. 110 volts dans le gazon. Gazon mouillé. C'est pas le vôtre. Il y a du monde qui sont tout autour, là, puis là, vous arrivez, là, vous écoutez la conférence, puis là, êtes-vous capable d'aller à côté et de commencer à crier? Oui. La majorité ne pourrait pas le faire, à cause des autres. L'humain peut faire des choses qui sont merveilleuses. Il appelle ça souvent miraculeuse, mais le miracle, on va revenir là-dessus plus tard. L'humain peut faire des choses qui sont merveilleuses, la majorité des personnes ne le font pas. La majorité des personnes qui ont suivi des cours de réanimation cardio-respiratoire dans le conventionnel, donc avec le massage cardiaque et la ventilation, ont de la difficulté de travailler convenablement. Pourquoi? Ils sont subitement extrêmement gênés de devoir masser ou ventiler devant des spectateurs. Et souvent, le pire des spectateurs, c'est eux-mêmes. Donc, ils doivent s'entraîner avant sur d'autres humains. Moi, j'ai découvert qu'une grande partie de ce que je pouvais faire, je me l'interdisais, parce que je me demandais comment parvenir à le faire. Chance que je ne me suis pas posé la question quand il a fallu que je commence à respirer. Parce que je n'aurais probablement jamais respiré. Je me serais dit, bien trop compliqué. L'humain a de la grande difficulté à faire ces choses-là, uniquement parce que l'humain s'interdit totalement d'être quelque chose. Quand j'entraînais des personnes pour urgence santé, les personnes avaient suivi des cours, les personnes, on arrive par exemple chez un bonhomme qui a un arrêt cardio-respiratoire, et la personne qu'on entraîne, on est deux pour travailler, puis un pour regarder, parce qu'il est supposé travailler, lui-là. Il veut tellement qu'une fois rendu là, il ne fait plus rien. Plus capable. Qu'est-ce qu'il a? Son ego. Une grande partie de lui, donc, n'est pas encore au courant qu'il est maintenant technicien médical d'urgence. Alors, il va falloir que plusieurs personnes soient mal soignées ou meurent entre ses mains pendant une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, un an, deux ans, dépendamment de sa puissance de résistance, avant qu'il finisse par s'autoriser subitement à être un réanimateur d'humains. Et quand c'est autorisé, vu qu'il voulait énormément, il devient un superbe technicien médical. Un médecin, une infirmière, un infirmier, ce sera la même chose. Ça leur prend un laps de temps. Alors que l'humain n'a pas de problème là-dedans, normalement. Combien de personnes ici, ça va vous prendre? Comment? Il y a tellement de personnes qui ont des enfants, ça va leur prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans avant de s'autoriser à être un bon parent. Ah, ben, rendu au sixième, on conseille donc. Ça dépend. Si le sixième est collé sur le cinquième, non. Si le sixième est distancé de 4-5 ans des autres, oui. Vu que t'en as deux, tu pourrais me savoir en faire un moyen. Ouais, mais j'ai eu d'autres avant. Mais, j'ai découvert, donc, je me suis rencontré un peu plus avec moi-même là, quand je me suis rendu compte qu'une grande partie de ce que j'étais, je le rejetais totalement, même de ce niveau-là. On l'a au niveau physique, on l'a au niveau mental, on l'a au niveau de paquet de choses. La rencontre avec soi-même, les personnes qui se conscientisent ne feront pas ça du jour au lendemain. On en parle ce soir parce que c'est intéressant qu'à un moment donné, on sache un peu plus. Chaque fois que l'humain a besoin d'exprimer, on doit savoir qu'il n'est pas lui-même. Il ne s'est pas trouvé encore. Et là, c'est important, c'est pas de dire « je veux me trouver, je veux trouver ma personnalité ». Savez-vous ce que c'est qu'une personnalité? C'est le mensonge qui serait le plus ajusté à ce qu'on aimerait être. Mais c'est pas nous, ça, là. On n'a pas à trouver sa personnalité. Une personne qui dit « oh, moi, je suis jeune de cœur », les jeunes de cœur disent jamais ça. Donc, c'est une personne qui veut être le jeune de cœur, qui a besoin que les autres le sachent, parce qu'elle ne peut pas le savoir si les autres ne le sachent pas. Une personne qui dit « ah, oh, moi, je suis en forme, je suis en forme oh, ». Ben, pourquoi tu dis? À vous de jamais un coureur olympique se promener, « oh, moi, je suis en forme, moi, je suis en forme ». Jamais. Hein? Un enfant qui joue, là, il ne va pas se vanter qu'il est en forme. Il n'a rien à faire. Quand il commence à peut être en forme, il ne verra pas grand temps, il va commencer à dire qu'il est en forme. « Ah, c'est pas pire, mon âge ». Ouais, mais pour comme humain, c'est peut-être pas génial. Ben, on a des questions? Faut que je boive. Tu touches à ça que tu veux? Juste moi, là, tu parles de ta première rencontre. T'as appris des choses. J'ai rien appris. OK. Donc, tu as eu plusieurs étapes. Est-ce que chaque étape est aussi exponentielle? C'est ça qui est dangereux, c'est que c'est exponentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on voit, plus on voit. Première étape, je me rencontre avec moi-même, je la refuse. Deuxième étape, c'est pas mal plus gros, je la refuse. Troisième étape, très très gros, je la refuse. Quatrième, cinquième, sixième, septième, je les ai refusés. On va arrêter à sept, c'est mystique. Mais je ne sais jamais compter, remarquez bien. C'est peut-être 25 étapes, c'est peut-être 8 étapes. On les refuse toujours. Pourquoi? Parce que la question fondamentale, c'est toujours comment je vais faire pour arriver à être ce que je suis. Ben, la question, c'est comment je vais faire pour arriver à être ça. Il y a des personnes que je connais qui sont de très grandes gueules, comme moi. C'est très convenable. Sauf qu'il faut que je les motive pendant un an avant qu'ils arrivent à s'autoriser à l'être. Il y en a d'autres qui sont capables de faire plein de choses, mais ils ne le font pas. Il y en a plusieurs qui peuvent créer. La majorité des personnes qui se conscientisent sont capables de monnayer leur intelligence. Donc, de parvenir à travailler de moins en moins tout en rentrant de plus en plus d'argent. Et l'argent, c'est simplement une liberté matérielle et temporelle. Ça leur permettrait d'être beaucoup plus libres, de continuer à faire un travail pour leur permettre d'arriver à se rencontrer eux-mêmes. Mais ces personnes-là, il faut les motiver sans arrêt. Il faut leur prouver, il faut recommencer, il faut passer par en arrière, il faut leur dire de ne pas lâcher, il faut leur trouver une nouvelle idée. Et rééduquer complètement. Oui, mais sans arrêt. Parce que sans ça, ben, ils se démotivent, ils lâchent, ils sont plus sûrs. Pourtant, je peux rencontrer une personne et lui dire, écoute, tu es un bon compositeur, regarde le morceau que tu as fait. Ouais, je sais bien, mais je ne l'ai pas fini. Non, t'as pas fini de te lâcher avant, mais écoute ce que tu as fait. C'est génial. Oui. Il lâche. Mais tu peux-tu prendre une personne, la débrancher, puis lui dire, là, on te reprogramme. Oui. Mais je ne me suis jamais autorisé à faire ça. Vas-tu pouvoir faire ça? Il veut que je le débranche, puis j'en prends ça. Je cherche la prise, là. La prison, oui. Oui. Ça se fait. Et c'est évident que ça va se faire. Maintenant, pas comme tu le dis, mais exactement comme tu le dis. C'est ça. Hein? Donc, c'est toujours une question de subtilité. Tu sais, tu ne peux pas prendre une personne qui n'a pas, qui veut pas se faire débrancher pour voilà, la même chose. C'est ça. Après, tu ne peux pas prendre une personne qui ne veut pas pour la débrancher et la rebrancher dans ce qu'elle est. Il n'y a rien à faire là-dessus. Mais de toute façon, le problème, ça va être de l'amener à être prête à être prête. Ça, c'est la vie qui va s'en occuper. Oui. Sauf qu'à un moment donné, il y a plusieurs personnes qui sont fondamentalement prêtes, mais il existe chez l'humain énormément d'ancrage, de pièges, qui fait en sorte que l'humain va s'attacher, que l'ego va s'attacher pour empêcher ce qui veut évoluer ou se conscientiser de continuer à monter. Et il existe effectivement différentes méthodes pour détacher tout ça au complet et amener l'humain à monter. Sauf que les personnes qui pourraient être débranchées et rebranchées doivent être des personnes qui sont déjà rendues dans une conscientisation assez avancée pour ne pas qu'elles deviennent disciples ou esclaves du débrancheur, rebrancheur. Justement, dans ton entourage près, il y a plusieurs personnes qui attendent d'être quand débranchées. Quand tu dis près, là, c'est 2-3 pieds? Oui, 5 et demi à peu près. Ah, OK. 5 et demi, oui. 5 et demi, OK. Oui. Qui attendent juste ça, par exemple, d'être pouvoir débrancher, mais ils font pas le pas en avant pour... Bon, premièrement, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas faire le pas tant que moi, je ne fais pas le pas. Mm-hmm. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour plusieurs égos. L'ego qui a été le plus frustré de ça, ça a été le mien. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai refusé d'être ce que j'étais pendant plusieurs centaines d'années. L'être humain doit comprendre, il y a des principes à comprendre simplement, c'est que la première chose, l'humain peut tout faire tout seul. Hein? On peut tout faire tout seul, pas besoin de personne. Sauf que la majorité auront besoin de quelqu'un. Et une personne qui dit, ah ben, je savais qu'on peut le faire tout seul, c'est moi, je le fais tout seul. Elle a probablement besoin de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup trop d'ego. Et comprenez bien une chose, c'est tellement plus facile de se servir de quelqu'un. Quelqu'un ici pourrait me dire, Daniel, tes points faibles, je les connais. Veux-tu qu'on en parle? Bien, si dans la voix de la personne, je ne décode pas un paquet de mensonges, là, bien, moi, je vais dire oui. La personne va me dire, écoute, je suis sûr que je ne suis pas à ta hauteur, je n'ai rien à foutre. Tu peux être une clé. Il est temps. On prend le temps qu'il faut. Pourquoi pas? C'est absolument génial. Mm-hmm. Sauf que la majorité des égaux des personnes vont refuser d'être aidés ou vont rechercher une autorité quelconque. Alors, il y en a plusieurs qui veulent que je les aide parce que j'ai de l'autorité. Mais le danger de l'autorité, c'est de faire de ces personnes-là des esclaves. Et je ne veux pas. Donc, je vais souvent les remettre de côté. Alors que ces personnes-là peuvent aussi être aidées par leurs enfants, par leurs parents, par leurs amis, par plusieurs choses. Mm-hmm. Et surtout par elles-mêmes, sauf que par elles-mêmes, elles vont se mentir. Ah, c'est un peu snobisme, en fin de compte. C'est le snobisme et en même temps la peur de découvrir que tu es capable d'être ton seul maître. Mm-hmm. Si vous êtes capable d'être votre seul maître, ça veut dire que vous êtes réellement quelque chose de formidable, de puissant. Et on en revient à la fausse humilité, on en revient à ce que j'ai vécu aussi, puisque tout le monde va vivre, pas nécessairement longtemps comme moi, pas nécessairement aussi court que moi. Mais l'idée de refuser totalement d'être capable d'être à la hauteur de la situation. Oui. Parce que pour l'ego, là, dire c'est mieux, c'est Daniel Kahn qui m'a transformé comme ça, ou bien dire c'est mon petit garçon de 4 ans, c'est un petit peu plus. Ça fait qu'il était en maudit quand c'est un petit gars de 4 ans. Il y a tout pas mal. Il fallait que je sois épais en maudit, c'est l'autre du tourment. C'est ça. Quand c'est Daniel Kahn, ça va bien. Mais alors que c'est tout faux, ça fait partie de l'illusion. C'est sûr qu'il faut apprendre à écouter soi-même, comme quel que soit l'âge, l'individu. C'est pas l'autorité d'un individu qui fait qu'il a raison. Moi, c'est mes parents qui m'ont ouvert cette vision-là. J'étais très jeune et mes parents écoutaient quelqu'un à la radio. Et puis, maudit que ça a de l'allure, hein? C'est-tu bon ce qu'il dit, hein? Ah, puis il parlait, l'autre, puis il parlait, puis que ça avait de l'allure. Finalement, l'animateur lui demande, bon, quelle démarche vous avez faite pour en arriver là? C'est, quel diplôme? Êtes-vous docteur en philosophie? Il fallait, oui. Oh non, non, moi j'ai lâché l'école, en première année, j'ai même pas été au secondaire. Là, vous auriez dit, ouais, mes parents viraient de bord. Il semblait aussi que ça n'a pas d'allure. Mais trompé de citation, hein? C'est pas une bonne citation, ça. C'est une niaiserie d'inviter du monde qui ça va rien. Eh oui. Moi, je n'ai pas de doctorat en pédagogie. Mais j'ai fait des conférences à l'université. Juste pour l'éducation de l'enfant. De l'enfant Teflon, entre autres. J'ai fait des conférences dans les écoles. Et au départ, regardez comment c'est. Au départ, on me disait, oui, M. Kemp, avant même que je commence, quel diplôme vous avez? Puis là, moi, je me disais, le mensonge pédagogique, que je devrais donc l'appliquer là. Ben, ça devrait t'arriver habillé en professeur avec ton petit billet. Ah, j'ai même pas besoin. J'ai, moi, je suis diplômé en psychologie, j'ai une maîtrise en pédagogie. Personne ne va avoir la preuve. Puis là, ça, tout le monde serait, ah, bon, allez-y. Mais je me... Le mensonge pédagogique, ça peut être utile pour récupérer un enfant qui est bien mal pris ou un adulte bien mal pris. Pas les professeurs. Alors, je leur disais, écoutez, moi, j'ai pas de diplôme. Puis là, j'avais la moitié du groupe qui ne pouvait rien comprendre de ce que je disais, qui était totalement contre tout ce que j'amenais, alors que si j'aurais dit « Oui, je suis diplômé », tout le monde aurait été pour. Jusqu'au jour où j'ai fini par dire « Écoutez, c'est pas celui qui parle qui doit être diplômé, c'est celui qui écoute. » Eh oui, c'est à vous de savoir si ce que je dis a de l'allure ou pas. Alors, laissez-moi dire ce que j'ai à dire, puis vérifiez dans vos diplômes, voir si vous êtes capable de discerner ce que c'est ce que je dis est bon ou pas. Bon. Parce que si je suis un imbécile et que j'ai un doctorat en pédagogie, ça va tout me croire. Et ça, c'est dangereux. Et si j'ai raison et que j'ai jamais été à l'école, plusieurs vont me refuser. C'est aussi dangereux. Alors, soyez diplômés. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit ça deux fois. Et à chaque fois que je faisais une conférence, on commençait toujours en me plantant, apparemment, avec « Quel diplôme vous avez ?» Deux fois ou trois fois, je leur ai donné ça comme réponse, et depuis des années, on ne me pose plus jamais la question. Quelle que soit la place où je vais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la journée qu'on arrive à être bien avec ce qu'on est, je n'ai pas de diplôme, puis je n'ai rien à foutre de diplôme, mais pourquoi j'irais frustrer les gens parce que j'en ai pas dans le style révolté? Non, c'est vrai, c'est pas l'orateur qui a besoin d'être diplômé, c'est celui qui va écouter. Est-ce que c'est le professeur qui doit être bon ou si l'élève doit être prêt pour entendre le professeur? C'est toujours la même chose à l'école. Depuis ce temps-là, on ne me pose plus la question. Vous savez, la vie devient drôlement facile pour tout le monde parce que ça s'inscrit dans l'astral, ça s'inscrit dans la conscience collective et les gens savent. Je n'ai pas eu à exprimer ça. Mais si j'aurais commencé à mentir et à jouer le diplômé, je serais encore obligé de jouer le diplômé. Et j'aurais une autre personnalité. Et j'aurais plein de raisons mentales pour expliquer que j'ai raison, et la majorité, vous seriez d'accord avec moi, j'ai raison. Parce qu'il faut faire passer le message au niveau des écoles. Alors c'est préférable de leur dire que tu es diplômé, même si tu ne l'es pas. Le mensonge pédagogique tire sa source de l'alcoolisme. Disons que vous êtes tous alcooliques. Moi, j'ai découvert une méthode merveilleuse pour vous guérir de votre alcoolisme. J'arrive en avant, et je vous dis, je suis médecin. Je suis diplômé. Et c'est vrai. Là, il y a un imbécile d'alcoolique qui lève la main. « Avoue que j'étais un alcoolique! » Là, je dis « Non. »« Et qu'est-ce que vous pouvez savoir de ce qu'on vit? » Et ma méthode, elle est géniale, mais je ne peux pas la communiquer. Est-ce que je vais devenir un alcoolique pour me dessouler, pour faire ça d'aller leur parler? Tu peux leur dire je ne vais pas carrément leur dire « Oui, je suis un ex-alcoolique. » Il n'y a jamais rien que je vais pouvoir vérifier. Tu peux dire que tu es propriétaire d'un Dunkin' Donut comme ça. T'es... Si je suis un ex-alcoolique, ils vont tous m'écouter. Alors, mieux vaut être un ex-alcoolique, même si c'est faux. Ça me va bien, moi, en pédagogie. Mais je me sentais mal avec les professeurs. J'aurais voulu qu'ils comprennent plutôt. C'est eux, les pédagogues. Il faut qu'ils comprennent le principe. On se découvre quand on est capable de se rendre compte qu'on n'a plus besoin de mentir, qu'on n'a plus besoin de mentir à autrui. Pourquoi on ment à autrui? Parce qu'on ne veut pas permettre que le miroir, qui est autrui, deviennent un peu plus parfaits pour que là, on risque de se voir dedans. Alors, si on ment à autrui, si je dis que je suis diplômé, ils vont me croire. S'ils me croient, je vais progressivement avoir l'impression que je suis diplômé. Mais je n'ai pas besoin de papier, moi. Tu sais, je suis diplômé sans papier. Mais c'est ça, c'est qu'un diplôme, c'est un papier. Tu sais. Là, on joue avec les formes pour se mentir. Quand on n'a plus besoin de mentir à autrui, et remarquez que la majorité d'entre vous ne plus mentir à autrui, ça va vous peser. Plusieurs vont dire, ben non, moi je compte jamais de mensonges. On en compte toujours des mensonges. Par l'habillement, c'est sûr, toute vérité n'est pas bonne à dire. Tous ceux qui comptent la vérité tout le temps sont d'accord avec ça. Parce qu'ils comptent souvent les mensonges. Je connais des personnes, à un moment donné, moi, il y a quelqu'un qui téléphone chez eux, peux-tu aller faire un tour? Ah, mais je peux pas, je m'apprêtais à m'en aller, là. Mais ça, ils retiennent pas ça comme ayant été un mensonge. Ils ont compté un mensonge. ils ne se sont pas rencontrés. Donc, ils ne savent pas comment supporter la communication, de dire à l'autre, non, je n'ai pas le goût que tu viennes présentement. Non. Et l'être humain va souvent dire, oui, mais c'est tellement plus facile de compter des mentries. C'est vrai. Dans un laps de temps au niveau de la conscientisation, ça devient même absolument sine qua non. C'est important d'apprendre à mentir. Pourquoi? Pour préserver son énergie. Et cette énergie-là, on doit la conserver pour arriver à se retrouver. Mais quand on se retrouve, il faut abandonner maintenant toutes les illusions qu'on s'est comptées. Tous ceux qui pensent à être une femme, vous êtes dans l'illusion totale. Et tous ceux qui pensent être des hommes, vous vous êtes menti depuis votre naissance. Alors, c'est sûr, on nous a appris à nous mentir et on a accepté le mensonge d'autrui. On est des êtres humains. La sexualité, elle est là uniquement pour permettre la procréation. Certains diront pour jouer. Bon, si vous voulez. Comme il y en a qui se donnent des électrochocs. Ils prennent des fils électriques connectés sur une batterie, puis ils se mettent ça dans la bouche. L'électricité, c'est pas là pour nous servir, c'est là aussi pour nous faire triper. Je suis d'accord. C'est pas leur dire qu'ils se trompent, ça les fait triper. Bon. Homme, femme. Vous savez, la femme, elle a une vision différente de l'homme. C'est faux. L'homme a une vision différente de la femme. C'est faux. La femme, elle a la vision qu'elle a prise et qu'elle a accepté de soutenir. Mm-hmm. Mais c'est pas sa vision, elle. Et l'homme a une vision qu'il a appris, qu'il a accepté de soutenir. C'est pas sa vision, lui. Quand je me suis rencontré moi-même, il m'a dit franchement, je me suis rendu compte que toute la majorité des visions que j'avais, c'est des visions qui appartenaient à mon père, à ma mère, à mon professeur d'histoire, à mon professeur de géo, à mes amis. La majorité des visions que j'ai du monde sont des visions qui appartiennent aux autres. Et j'ai ces visions-là uniquement pour ne pas déplaire aux autres. On appelle ça un accord collectif. Où on finit tous par être plus ou moins d'accord d'une chose qui suis uniquement pas dérangé. Parce qu'on va dire, oui, mais quand je dérange, ça me dérange. Puis c'est vrai que ça nous dérange. Mais pas pour le dérangement qu'un autre fait. Uniquement parce qu'on découvre chez soi qu'on jouait. Puis c'est ça qui dérange. Bien plus que l'autre qui vient de chioler après. Quelqu'un qui vous chiole après, là, ça vous dérange, c'est parce qu'il brasse de l'illusion. Je me rends compte que plus on me chiale après et plus je suis moi-même, moins ça me dérange. Ça touche plus. Alors que l'humain peut aussi, évidemment, épaissir son périsprit pour que ça ne le touche pas, sauf qu'à un moment donné, c'est par l'intérieur qu'il devra travailler. Quand l'humain parvient à être suffisamment bien avec lui-même, nécessairement, l'humain n'a pas besoin de continuer à vouloir exprimer des mécaniques de protection, des mécaniques d'amour, des mécaniques de communication, l'humain n'a plus besoin. Les personnes, les femmes qui se croient femmes n'ont rien compris, c'est-à-dire moi non plus, moi je n'avais rien compris en tant qu'homme, c'est l'homme qui se croit homme n'a rien compris. Imaginez ceci, toute la structure sociale et l'évolution est basée sur la sexualité. Et même si on se dit émancipé, on n'a plus d'école d'un côté des gars, d'un côté des filles, on a encore une évolution, pas une conscientisation, mais une évolution qui met d'un côté les gars, d'un côté les filles. Mm-hmm. Bon, si on regarde l'Église catholique, la femme n'a pas le droit encore de devenir prêtre. Il y a la cérémonie du lavage des pieds. Ça s'adresse uniquement aux gars. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas lavé les pieds des bonnes femmes à l'époque, elle avait les pieds des gars. Mais il n'y a pas de femme. S'il y aurait eu une femme, il y aurait lavé les pieds de la femme. Mais ce que l'humain donc continue à conserver, c'est qu'il divise toujours. Il y a les enfants qui, eux, comprennent rien. Ils sont trop jeunes pour savoir ce qui est bon pour eux autres. Ils sont trop jeunes pour savoir ce qu'ils aiment. Ils sont trop jeunes pour savoir ce qu'il faut. Alors, on les habille à notre goût. On leur fait manger notre goût. Puis on leur fait vivre notre goût. Ils sont trop jeunes. Dans le sens, ils sont trop caves. J'ai dit l'autre fois. T'sais, on vend un nouvel appareil. Il est tellement simple l'appareil que même un enfant pourrait s'en servir. Ça égale que même un imbécile pourrait s'en servir. T'sais? Et c'est toujours comme ça. T'sais? Ça, c'est simplicité d'enfant, c'est simplicité de débile. L'humain, présentement encore, ce qui se crée ce rôle-là. Il y a les enfants, il y a les hommes et il y a les femmes. Est-ce que la femme peut comprendre mieux que l'homme telle chose? Non. Mais si l'homme a été éduqué à ne pas comprendre, il ne comprendra pas. Est-ce que la femme peut aimer plus l'homme que l'homme? Non. Elle est bâtie pour ça. L'homme a de la difficulté à pleurer. Est-ce que, physiologiquement, son corps physique n'a pas de glandes lacrymales ou de très petits canaux? Même chose que la femme, mais il est bâti différemment. Et tout ça fait partie du mensonge. L'humain qui ne sait pas retrouver, la femme qui se dit « Moi, je me sens bien quand je me sens femme. » Ben, c'est ça, oui. Mais l'homme qui se sent bien quand il se sent homme, vous savez, la femme, elle, quand elle se sent femme, ça a une odeur particulière, puis l'homme, quand il se sent homme, ça a une odeur particulière. Mais, ils sont carrément à côté du phénomène de la conscientisation d'évolution. Le corps physique, c'est un véhicule. Quand l'humain arrive à se rencontrer lui-même, il se rend compte que c'est pas le véhicule. Adam et Ève, quand on parle de l'histoire au complet, là, parce qu'ils ont mangé une pomme qui avait un verre dedans, bon, puis le verre était transformé en serpent après, tu sais, pour plus qu'ils rentrent dans les pommes, tu sais. Alors, on ne vous a pas conté l'histoire comme il faut, là, c'est pour ça. Là. Bon. Ça fait encore partie de tout du mensonge eux-mêmes. À un moment donné, Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus, fait qu'ils se cachent devant Dieu. À quoi ça sert de te cacher devant celui qui t'a bâti morceau par morceau, tu sais, que dans la masse, il y a plein de photos dans sa tête de ce que t'es. En plus, imaginez que vous passez un an de temps tout nu devant quelqu'un, puis subitement, allez vous cacher, tu sais. On peut pas cacher ce qui a été vu, hein. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que l'humain, c'est une parabole, ça, évidemment, là, ça se passe en Lémurie, de toute façon. C'est une parabole. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'humain, subitement, a commencé à se perdre avec lui-même. Quand la femme se dit femme, ou que l'homme se dit homme, ou que l'enfant se dit enfant, c'est que tout est basé sur le corps physique. Et parce que l'humain est tellement mal avec lui-même, il cache tout ce qu'il est, il va nécessairement cacher le corps physique. Il ne peut pas être bien que le corps physique. Quand on parle de cacher, je ne parle pas juste du vêtement, du maquillage ou ces choses-là. On parle aussi de faire du culturisme, on parle aussi de faire d'autres choses pour améliorer le corps. Tu sais, vous devriez maigrir, ce serait meilleur pour votre santé. Ça ne vend rien. Veuillez maigrir, vous allez être plus belle. Alors ça va en maudit. Tu sais, on maigrit pour l'esthétisme, dans la majorité des cas. Et même plusieurs personnes évoluent pour l'esthétisme. Mais c'est une snobisme psychologique. L'humain doit comprendre qu'il n'est pas un corps physique, qu'il n'est pas un corps vital, qu'il n'est pas une psychologie. On a parlé souvent du corps astral, du corps mental. L'humain, qui n'est pas un corps astral. Sauf que la personne, elle continue toujours à fusionner dans sa conscience, dans son illusion, toutes les mécaniques au complet, ce qui fait qu'elle va exprimer ses problèmes dans le corps physique, dans le corps vital, dans le corps astral, et on va tout cacher au complet. On cache tout sans arrêt. À quoi ça sert une coupe de cheveux particulière? T'sais, je ne vous dis pas ça parce que moi, je ne peux pas en avoir de coupe de cheveux particulière, là. Mais à quoi ça sert de vouloir avoir une coupe de cheveux? Hein? Définir sa personnalité. À quoi ça sert d'avoir des souliers X, Y, Z? Des souliers confortables, c'est très bien. Pour aller avec les cheveux, non? Probablement. À quoi ça sert un paquet de choses comme ça? Puis je ne dis pas que ce n'est pas bon, je pose simplement la question. Il y a des personnes, à un moment donné, genre, je me rappelle, chaque fois que je parle du maquillage, de toute façon, on a toujours 3-4 personnes qui étaient inscrites au séminaire qui cancellent. les deux dernières avaient laissé un message sur le répondeur, c'est qu'on a décidé de garder notre argent pour aller s'acheter du maquillage. Hey, 500$ de maquillage. Faut que tu te maquilles? Bon, ça coûte cher, Daniel. Tu devrais magasiner un petit peu, là. Ouais, peut-être. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que c'est pas grave qu'on se maquille ou qu'on se maquille pas. Le problème, c'est le temps qu'on prend de voir continuellement entretenir des illusions. Ouais, tu pourrais dormir le matin au lieu de te maquiller, en tout cas. Ouais, ou simplement t'occuper des choses qui sont réelles et qui sont plus utiles. T'occuper des choses utiles, non pas des choses importantes. La personne, il faut faire attention, on se maquille autant psychologiquement. Bon, la personne qui s'en va puis qui... Oh, bon, je craque. Prends le téléphone. Ouais, bonjour, j'appelle pour. Tu sais, elle maquille. C'est la même chose. Hein. Bon, là, faut que je l'appelle, là. Clic, clic, clic, clic. Ben là, ça sonne au téléphone, tu sais, puis. Pause-y. Oh. Ouais, tu signales, donne ça à ton mari, pause-y, là. Ouais, même chose. Ou le genre de vérité, c'est pas des mensonges. Je suis pas là. Ouais. T'es là. Je connais un Teflon, moi, qui s'est fait chicaner à un moment donné. Ma mère est fatiguée, qu'elle n'est pas là. Tu sais, Mais le pire, c'est qu'on ment tous comme ça. Alors, quand quelqu'un. Ma mère est fatiguée, qu'elle n'est pas là. On devrait comprendre. D'autres, souvent, on fatigue, qu'elle n'est pas là. Puis ceux qui vivent seuls, je fais des répondeurs. Ils sont là quand même. C'est un mensonge. Voilà. Allô? Martine, es-tu là? Ah, c'est lui, moi je veux rien savoir. Ouais. On répond pas. C'est un mensonge. C'est pas grave. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on doit comprendre que pour arriver à se rencontrer soi-même, puis on se rencontre soi-même quand on commence à en avoir ras-le-bol de mentir. Donc on devient transparent. C'est pas une question que c'est grave. C'est pas grave. Le problème qu'il y a, c'est que l'humain, progressivement, va finir par soutenir une souffrance interne, une petite brûlure très insidieuse qui ne paraît pas, qui commence à nous hanter. Et là, on commence lentement à découvrir qu'on aime de moins en moins le monde, on aime de moins en moins la vie du monde, hein, dans les deux sens. On aime de moins en moins la planète, on aime de moins en moins l'hypocrisie des gens, puis le ceci et le cela. Parce qu'on aime de moins en moins les barrières, les mensonges qu'on s'est créés pour s'aimer de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on aime de moins en moins. Alors, la personne doit commencer un travail. On a parlé souvent de désinhibition, de transparence, de tout ce qu'on a parlé ces dernières années. La personne doit faire ce travail-là. La journée où moi, je me suis rencontré, donc la rencontre avec moi-même, ben, c'est de découvrir finalement que j'étais une espèce de lapin en chocolat. Que tout le monde aimait le chocolat. Blanc ou brun? Blanc et brun, brun. Blanc, c'est pas du chocolat. Non, du coup. C'est illégal comme appellation en France. Alors, c'est pas du chocolat, on reste français un peu. Et c'est exactement comme si, à un moment donné, j'ai eu la possibilité de sortir du chocolat. Puis là, j'ai vu le chocolat. Tu sais, j'ai vu ce que j'étais. Puis je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce que j'étais. Et là, une fois sorti du chocolat, j'ai voulu parler à des personnes. J'ai dit, allô, c'est moi! Et personne me disait, chut, avant de parler avec Daniel Kem, il parlait au chocolat. Il parlait au lapin. Puis là, j'essayais de leur dire, you, je suis sorti. Puis là, il y a du talent. Puis là, on écoutait le lapin au chocolat. Là. C'est original. De faire le tour, à un moment donné, là, de ta famille ou de tout le monde, tu vas dire à tes enfants, je t'aime. Puis lui, il dit, mais non, c'est le chocolat qu'ils veulent, les autres, là. Puis tout le monde veut le chocolat. Puis là, quand tu les écoutes parler, après ça, quand le chocolat n'est pas là, tu les écoutes parler entre eux autres, là, puis ils parlent tous un peu contre le chocolat. Tu sais, il semble qu'ils... C'est vrai pas avoir des si grandes oreilles, hein? Il semble qu'ils exagèrent dans ses oreilles, hein? Puis, tu sais, l'épaisseur du chocolat, il y a une place, à un moment donné, j'ai voulu, tu sais, puis il me semble que c'était épais, tu sais. Puis la queue, il me semble, tu sais, ça peut être trop courte, ça doit être trop long. Puis là, il me semble que, là, tu te rends compte que tout le monde, finalement, n'aime pas le chocolat. Puis quand tu veux parler à ces personnes-là, puis que t'es toi-même, il n'y a pas un qui veut t'écouter, ils veulent tous écouter le chocolat. Mais il n'y a pas un qui l'aime, le chocolat. Ils ont tous de quoi dire contre le chocolat. Ma mère, mon père, mes frères, les sœurs, les amis, le public, tout le monde a de quoi parler contre le chocolat. Sauf qu'à l'instant où l'on débarque du chocolat, il n'y a plus un qui, non, ils veulent tous écouter le chocolat. On a tous horreur de l'illusion, puis on en a tous besoin. Alors quand l'humain que se conscientise un peu plus, il finit par être drôlement malheureux, drôlement mélangé, drôlement perdu. Et là, l'humain va dire, ouais, mais c'est l'hypocrisie des autres. T'sais, j'aimerais être tellement hypocrite. Plus on voit clair chez autrui, plus on voit clair chez soi. Mais évidemment, nous, on continue à conserver nos barrières. Quand tout le monde sera tout nu, je me mettrai tout nu. Je ne vais pas vous mettre tout nu avant. Ils vont tout rire. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, puis je lui expliquais que, voilà plusieurs années, quand je me promenais par exemple, un de mes garçons, il devait avoir peut-être 8 ans, bon, on se tenait la main. T'sais. Il y avait 9 ans, on marchait, on se tenait la main. Souvent, il me prenait la main, on allait magasiner. Lui, il trouvait ça bien normal. Moi, je savais qu'il y avait un paquet de personnes qui nous regardaient en tabarnouche. Il est rendu à 11 ans, il est rendu à 12 ans, ça arrive encore qu'il me prend la main. On se promène, bon, on se tient la main. T'sais. Mais je savais deux choses. Qu'il y avait un paquet d'hommes, de pères, qui me regardaient, qui étaient jaloux en maudit. Puis il y en a un paquet d'autres qui, même jaloux, s'arrangeaient pour trouver des raisons à trouver ça pas correct. Si j'aurais eu la main de ma fille, tout le monde aurait trouvé ça correct. Tu sais, la fille, elle tient la main de son père, puis le fils, il tient la main de sa mère. Ou que c'est beau. La mère, elle doit tenir la main de la fille ou du garçon, tu sais, ça va. Mais le gars, lui, il tient la main de son fils, là, il y a un problème. problème quelque part. Ah, c'est une tapette. Ah, c'est, en tout cas, ça tape les lèvres à quelqu'un. Aujourd'hui, je me rends compte que de plus en plus les pères ou les oncles, ou etc., tiennent la main de leur garçon. Parce qu'il y a quand même une conscientisation inconsciente qui se fait. Être soi-même, c'est ça. C'est d'arriver à laisser tomber un paquet de barrières. Si je me serais dit, moi, ben, je vais attendre que tout le monde le fasse pour le faire, c'est souvent ce qui arrive au niveau de l'évolution de la conscientisation. Quand les autres seront corrects, je peux me permettre d'être correct. Oui, quand ils vous cesseraient de voler, je cesserai de voler. Quand tu cesseras de mentir, je cesserai de mentir. Ouais. Mais vu que tu dis la même chose, puisque je dis ça, ça complique tout. Mm-hmm. Et à un moment donné, je finis par être tellement sensible que je me dis, lui, je ne veux plus le voir, t'es un maudit hypocrite, t'es un maudit menteur, je ne peux plus le sentir. Qu'est-ce que je ne peux pas sentir? Moi. C'est moi qui réfléchis chez lui. Ça, je ne peux pas sentir. Souvent, ce qui va arriver, c'est que l'instant où une personne commence à faire un travail de désinhibition, donc de conscientisation supramentale majeure, on se rend compte qu'il y a un paquet de personnes autour de nous qui n'attendaient que ça. Ils vont être réticents un peu au départ, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Pourquoi, je vais vous dire vous, hein, bon, pour l'instant, pourquoi vous cessez souvent d'avancer dans votre conscientisation, donc dans la prise de conscience, uniquement parce que les autres vous l'interdisent? Qu'est-ce qui t'arrive, là? T'es rendu folle? T'es rendu fou? Qu'est-ce qui te passe? Ou simplement parce qu'on a peur de se le faire dire. Je disais la semaine dernière qu'à un moment donné, j'étais en plein bois, je veux commencer à crier pour appeler des choses, des forces particulières de la nature humaine. Et là, il est minuit, 1h du matin, je suis en pleine forêt, il n'y a foutrement personne, et quand je viens pour crier, je me rends compte que je ne suis pas capable parce que j'ai peur que quelqu'un m'espionne. Et ça, c'est le problème fondamental chez l'être humain, la peur d'être jugé par autrui. Et on ne peut pas se trouver soi-même parce que le plus grand blocage va être ça. Je dis que tu ne dois pas juger parce qu'un jour tu te jugeras. Dans l'Antiquité, on expliquait que tu ne dois pas juger pour ne pas être jugé. On pensait par les autres. Mais non. On l'a coloré par la suite. Alors on devient notre plus grand juge. Alors ce qui fait qu'à un moment donné, je suis en pleine forêt, il n'y a personne, et je ne peux pas crier parce que j'ai peur que quelqu'un pense que je suis un imbécile. J'ai peur de me trouver imbécile. Et là, je commence à crier, puis effectivement, je me trouve imbécile. Voici donc ces questions-là, ils m'intéressent bien gros. J'en ai l'intervieweur, un autre, il s'est dit... J'en ai un autre titre, là, moi, pour moi, je veux juste savoir une chose. On a strié, si tu veux, des fois que tu t'es rencontré dans ta vie présente, là, mais au cours des siècles derniers, est-ce que ce siècle-ci, c'est le siècle de ta rencontre ou il y a déjà eu des rencontres? Je sais pas si tu... Oh, oui, je t'envoie, oui, okay. J'ai même pas besoin de parler. Vois-tu, la première fois que j'ai découvert que j'étais un être humain à possibilité ascensionnelle, ça date de longtemps, près de 2000 ans. Par la suite, toutes les réincarnations que j'ai eues, je n'avais pas conscience de ce que j'étais. Et dans votre passé, vous aussi, vous n'avez jamais eu conscience de ce que vous étiez. Je réincarnais tel personnage, je ne l'ai jamais su. Tous ceux qui m'entouraient ne le savaient pas non plus. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on s'aimait bien. Donc on s'était connus avant, mais ça, c'était pas conscient. Maintenant, je rencontre tous ces personnages-là un à un. Je les ai rencontrés, je les ai digérés. Et le dernier qui était à rencontrer, c'était moi-même. Je l'ai rencontré, je suis en train de le digérer. Ces questions-là, ils reviennent après la pause. Exceptionnellement, ce soir, la pause va durer 1h30. Non, c'est pas vrai. La pause va durer 10 minutes. Et donc, dans 10 minutes, on reprend. Le jockey à ce moment. Je vais aller écouter la game de hockey. Oh, franchement, je connais déjà les résultats.